Chapitre 17 La revanche d'Altamont. Le lendemain, le docteur et ses deux compagnons se réveillèrent après la nuit passée dans la plus parfaite tranquillité. Le froid, sans être vif, les avait un peu piqués aux approches du matin. Mais bien couverts, ils avaient dormi profondément sous la garde des animaux paisibles. Le temps se maintenait au beau, ils résolurent de consacrer encore cette journée à la reconnaissance du pays et à la recherche des bœufs musqués. Il fallait bien donner à Altamont la possibilité de chasser un peu, et il fut décidé que quand ces bœufs seraient les animaux les plus naïfs du monde, il aurait le droit de les tirer. D'ailleurs, leur chair, quoique fortement imprégnée de musc, fait un aliment savoureux, et les chasseurs se réjouissaient de rapporter au Fort Providence quelques morceaux de cette viande fraîche et réconfortante. Le voyage n'offrit aucune particularité pendant les premières heures de la matinée. Le pays, dans le nord-est, commençait à changer de physionomie. Quelques ressauts de terrain, premières ondulations d'une contrée montueuse, faisaient présager un sol nouveau. Cette terre de la Nouvelle-Amérique, si elle ne formait pas un continent, devait être au moins une île importante. D'ailleurs, il n'était pas question de vérifier ce point géographique. Duke courait au loin et il tomba bientôt en arrêt sur des traces qui appartenaient à un troupeau de bœufs musqués. Il prit alors les devants avec une extrême rapidité et ne tarda pas à disparaître aux yeux des chasseurs. Ceux-ci se guidèrent sur ces aboiements clairs et distincts dont la précipitation leur apprit que le fidèle chien avait enfin découvert l'objet de leur convoitise. Ils s'élancèrent en avant et après une heure et demie de marche, ils se trouvèrent en présence de deux animaux d'assez forte taille et d'un aspect véritablement redoutable. Ces singuliers quadrupèdes paraissaient étonnés des attaques de Duke sans s'en effrayer d'ailleurs. Ils broutaient une sorte de mousse rose qui veloutait le sol dépourvu de neige. Le docteur les reconnut facilement à leur taille moyenne, à leurs cornes très élargies et soudées à la base, à cette curieuse absence de mufle, à leur chanfrein busqué comme celui du mouton et à leur queue très courte. L'ensemble de cette structure leur a fait donner par les naturalistes le nom d'ovibos, mot composé qui rappelle les deux natures d'animaux dont ils tiennent. Une bourre de poils épaisse et longue et une sorte de soie brune et fine formaient leur pelage. À la vue des chasseurs, les deux animaux ne tardèrent pas à prendre la fuite, et ceux-ci les poursuivirent à toutes jambes. Mais les atteindre était difficile à des gens qu'une course soutenue d'une demi-heure essouffla complètement. Atterras et ses compagnons s'arrêtèrent. « Diable !» fit Altamont. « Diable est le mot !» répondit le docteur, dès qu'il put reprendre haleine. « Je vous donne ces ruminants-là pour des Américains, et ils ne paraissent pas avoir de vos compatriotes une idée très avantageuse. Cela prouve que nous sommes de bons chasseurs, » répondit Altamont. Cependant, les bœufs musqués, ne se voyant plus poursuivis, s'arrêtèrent dans une posture d'étonnement. Il devenait évident qu'on ne les forcerait pas à la course. Il fallait donc chercher à les cerner. Le plateau qu'ils occupaient alors se prêtait à cette manœuvre. Les chasseurs, laissant Duke harceler ces animaux, descendirent par les ravines avoisinantes de manière à tourner le plateau. Altamont et le docteur se cachèrent à l'une de ses extrémités derrière des saillies de roc, tandis qu'Atterras, remontant à l'improviste par l'extrémité opposée, devait les rabattre sur eux. Au bout d'une demi-heure, chacun avait gagné son poste. « Vous ne vous opposez pas cette fois à ce qu'on reçoive ces quadrupèdes à coups de fusil, » dit Altamont. « Non, c'est de bonne guerre. » répondit le docteur, qui, malgré sa douceur naturelle, était chasseur au fond de l'âme. Ils causaient ainsi quand ils virent les bœufs musqués s'ébranler, Duke à leurs talons. Plus loin, Atterras, poussant de grands cris, les chassait du côté du docteur et de l'Américain, qui s'élancèrent bientôt au-devant de cette magnifique proie. Aussitôt, les bœufs s'arrêtèrent, et moins effrayés de la vue d'un seul ennemi, ils revinrent sur Atterras. Celui-ci les attendit de pied ferme, coucha en joue le plus rapproché des deux quadrupèdes, fit feu sans que sa balle, frappant l'animal en plein front, parvint à enrayer sa marche. Le second coup de fusil d'Atterras ne produit d'autre effet que de rendre ces bêtes furieuses. Elles se jetèrent sur le chasseur désarmé et le renversèrent en un instant. « Il est perdu !» s'écria le docteur. Au moment où Klaoboni prononça ces paroles avec l'accent du désespoir, Altamont fit un pas en avant pour voler au secours d'Atterras. Puis il s'arrêta, luttant contre lui-même et contre ses préjugés. « Non, s'écria-t-il, ce serait une lâcheté. » Il s'élança vers le théâtre du combat avec Klaoboni. Son hésitation n'avait pas duré une demi-seconde. Mais si le docteur vit ce qui se passait dans l'âme de l'Américain, Hatteras le comprit, lui qui se fût laissé tuer plutôt que d'implorer l'intervention de son rival. Toutefois, il eut à peine le temps de s'en rendre compte, car Altamont apparut près de lui. Hatteras, renversé à terre, essayait de parer les coups de corne et les coups de pied des deux animaux, mais il ne pouvait prolonger longtemps une pareille lutte. Il allait inévitablement être mis en pièces quand deux coups de feu retentirent. Hatteras sentit les balles lui raser la tête. « Hardy !» s'écria Altamont, qui, rejetant loin de lui son fusil déchargé, se précipita sur les animaux irrités. L'un des bœufs, frappé au cœur, tomba foudroyé. L'autre, au comble de la fureur, allait éventrer le malheureux capitaine lorsque Altamont, se présentant face à lui, plongea, entre ses mâchoires ouvertes, sa main armée du couteau à neige. De l'autre, il lui fendit la tête d'un terrible coup de hache. Cela fut fait avec une rapidité merveilleuse et un éclair eut illuminé toute cette scène. Le second bœuf se courba sur ses jarrets et tomba, mort. « Hurrah ! Hurrah ! » s'écria Klaoboni. Hatteras s'était sauvé. Il devait donc la vie à l'homme qu'il détestait le plus au monde. Que se passa-t-il dans son âme en cet instant ? Quel mouvement humain s'y produisit qu'il ne put maîtriser ? C'est là l'un de ces secrets du cœur qui échappent à toute analyse. Quoi qu'il en soit, Hatteras, sans hésiter, s'avança vers son rival et lui dit d'une voix grave « Vous m'avez sauvé la vie, Altamont. » « Vous aviez sauvé la mienne, » répondit l'Américain. Il y eut un moment de silence, puis Altamont ajouta « Nous sommes quittes, Hatteras. » « Non, Altamont, » répondit le capitaine. « Lorsque le docteur vous a retiré de votre tombeau de glace, j'ignorais qui vous étiez. Et vous m'avez sauvé au péril de vos jours, sachant qui je suis. « Eh, vous êtes mon semblable, » répondit Altamont, « et quoi qu'il en ait, un Américain n'est point un lâche. » « Non, certes, » s'écria le docteur, « c'est un homme, comme vous, Hatteras. Et comme moi, il partagera la gloire qui nous est réservée. « La gloire d'aller au pôle Nord, » dit Altamont. « Oui, » fit le capitaine, avec un accent superbe. « Je l'avais donc deviné, » s'écria l'Américain. « Vous avez donc osé concevoir un pareil dessein. Vous avez osé tenter d'atteindre ce point inaccessible. Ah, c'est beau cela, je vous le dis, moi. » « C'est sublime !»« Mais vous, » demanda Hatteras d'une voix rapide, « vous ne vous élanciez donc pas, comme nous, sur la route du pôle ?» Altamont semblait hésiter à répondre. « Eh bien, » fit le docteur. « Eh bien, non !» s'écria l'Américain. « Non, la vérité avant l'amour-propre. Non, je n'ai pas eu cette grande pensée qui vous a entraîné jusqu'ici. Je cherchais à franchir avec mon navire le passage du Nord-Ouest, et voilà tout. » « Altamont, » dit Hatteras, en tendant la main à l'Américain, « soyez donc notre compagnon de gloire, et venez avec nous découvrir le pôle Nord. » Ces deux hommes serrèrent alors, dans une chaleureuse étreinte, leurs mains franches et loyales. Quand ils se retournèrent vers le docteur, celui-ci pleurait. « Ah, mes amis » murmura-t-il en s'essuyant les yeux, « comment mon cœur peut-il contenir la joie dont vous le remplissez ?» « Ah, mes chers compagnons, vous avez sacrifié pour vous réunir dans un succès commun cette misérable question de nationalité. Vous vous êtes dit que l'Angleterre et l'Amérique ne faisaient rien dans tout cela et qu'une étroite sympathie devait nous lier contre les dangers de notre expédition. Si le pôle Nord est atteint, qu'importe qui l'aura découvert. Pourquoi se rabaisser ainsi et se targuer d'être américain ou anglais quand on peut se vanter d'être homme ?» Le bon docteur pressait dans ses bras les ennemis réconciliés. Il ne pouvait calmer sa joie. Les deux nouveaux amis se sentaient plus rapprochés encore par l'amitié que le digne homme leur portait à tous deux. Klaoboni parlait sans pouvoir se contenir de la vanité des compétitions, de la folie des rivalités et de l'accord si nécessaire entre des hommes abandonnés loin de leur pays. Ses paroles, ses larmes, ses caresses, tout venait du plus profond de son cœur. Cependant, il se calma après avoir embrassé une 20e fois Hatteras et Altamont. « Et maintenant, » dit-il, « à l'ouvrage, à l'ouvrage ! Puisque je n'ai été bon à rien comme chasseur, utilisons mes autres talents. » Il se mit en train de dépecer le bœuf qu'il appelait le bœuf de la réconciliation. mais si adroitement qu'il ressemblait à un chirurgien pratiquant une autopsie délicate. Ses deux compagnons le regardaient en souriant. Au bout de quelques minutes, l'adroit praticien eut retiré du corps de l'animal une centaine de livres de chair appétissante. Il en fit trois parts, dont chacun se chargea, et l'on reprit la route de Fort Providence. À 10 heures du soir, les chasseurs, marchant dans les rayons obliques du soleil, atteignirent Doctor's House, où Johnson et Bell leur avaient préparé un bon repas. Mais, avant de se mettre à table, le docteur s'était écrié d'une voix triomphante, en montrant ses deux compagnons de chasse. « Mon vieux Johnson, j'avais amené avec moi un Anglais et un Américain, n'est-il pas vrai ?»« Oui, monsieur Clawbonny, » répondit le maître d'équipage. « Eh bien, je ramène deux frères. » Les marins tendirent joyeusement la main à Altamont. Le docteur leur raconta ce qu'avait fait le capitaine américain pour le capitaine anglais. Et cette nuit-là, la maison de neige abrita 5 hommes parfaitement heureux. Chapitre 18. Les derniers préparatifs. Le lendemain, le temps changea. Il y eut un retour au froid. La neige, la pluie et les tourbillons se succédèrent pendant plusieurs jours. Belle avait terminé sa chaloupe. Elle répondait parfaitement au but qu'elle devait remplir. Pontée en partie, haute de bord, elle pouvait tenir la mer par un gros temps, avec sa misaine et son foc. Sa légèreté lui permettait d'être halée sur le traîneau sans peser trop à l'attelage de chien. Enfin, un changement d'une haute importance pour les hiverneurs se préparait dans l'état du bassin polaire. Les glaces commençaient à s'ébranler au milieu de la baie. Les plus hautes, incessamment minées par les chocs, ne demandaient qu'une tempête assez forte pour s'arracher du rivage et former des icebergs mobiles. Cependant, Hatteras ne voulut pas attendre la dislocation du champ de glace pour commencer son excursion. Puisque le voyage devait se faire par terre, peu lui importait que la mer fût libre ou non. Il fixa donc le départ au 25 juin. D'ici là, tous les préparatifs pouvaient être entièrement terminés. Johnson et Bell s'occupèrent de remettre le traîneau en parfait état. Les châssis furent renforcés et les patins refaits à neuf. Les voyageurs comptaient profiter pour leur excursion de ces quelques semaines de beau temps que la nature accorde aux contrées hyperboréennes. Les souffrances seraient donc moins cruelles à affronter, les obstacles plus faciles à vaincre. Quelques jours avant le départ, le 20 juin, les glaces laissèrent entre elles quelques passes libres dont on profita pour essayer la chaloupe dans une promenade jusqu'au cap Washington. La mer n'était pas absolument dégagée, il s'en fallait. Mais enfin, elle ne présentait plus une surface solide, et il eût été impossible de tenter à pied une excursion à travers les icefields rompus. Cette demi-journée de navigation permit d'apprécier les bonnes qualités nautiques de la chaloupe. Pendant leur retour, les navigateurs furent témoins d'un incident curieux. Ce fut la chasse d'un phoque faite par un ours gigantesque. Celui-ci était heureusement trop occupé pour apercevoir la chaloupe, car il n'eut pas manqué de se mettre à sa poursuite. Il se tenait à l'affût, auprès d'une crevasse de l'icefield, par laquelle le phoque avait évidemment plongé. L'ours épiait donc sa réapparition avec la patience d'un chasseur, ou plutôt d'un pêcheur, car il pêchait véritablement. Il guettait en silence, il ne remuait pas, il ne donnait aucun signe de vie. Mais tout d'un coup, la surface du trou vint à s'agiter. L'amphibie remontait pour respirer. L'ours se coucha tout de son long sur le champ glacé et arrondit ses deux pattes autour de la crevasse. Un instant après, le phoque apparut, la tête hors de l'eau. Mais il n'eut pas le temps de l'y replonger. Les pattes de l'ours, comme détendues par un ressort, se rejoignirent, étreignirent l'animal avec une irrésistible vigueur et l'enlevèrent hors de son élément de prédilection. Ce fut une lutte rapide. Le phoque se débattit pendant quelques secondes et fut étouffé sur la poitrine de son gigantesque adversaire. Celui-ci, l'emportant sans peine, bien qu'il fût d'une grande taille, et sautant légèrement d'un glaçon à l'autre jusqu'à la terre ferme, disparut avec sa proie. « Bon voyage !» lui cria Johnson. « Cet ours-là a un peu trop de pattes à sa disposition. » La chaloupe regagna bientôt la petite anse que Bell lui avait ménagée entre les glaces. 4 jours séparaient encore Hatteras et ses compagnons du moment fixé pour leur départ. Hatteras pressait les derniers préparatifs. Il avait hâte de quitter cette nouvelle Amérique, cette terre qui n'était pas sienne et qu'il n'avait pas nommée. Il ne se sentait pas chez lui. Le 22 juin, on commença à transporter sur le traîneau les effets de campement, la tente et les provisions. Les voyageurs emportaient 200 livres de viande salée, 3 caisses de légumes et de viande conservée, 50 livres de saumure et de lame joyce, 5 quarters de farine, des paquets de cressons et de cochléaria fournis par les plantations du docteur. En y ajoutant 200 livres de poudre, les instruments, les armes et les menus bagages, en y comprenant la chaloupe, l'alcatbolt et le poids du traîneau, c'était une charge de près de 1500 livres à traîner, et fort pesante pour 4 chiens. D'autant plus que, contrairement à l'habitude des Esquimaux qui ne les font pas travailler plus de 4 jours de suite, ceux-ci, n'ayant pas de remplaçant, devaient tirer tous les jours. Mais les voyageurs se promettaient de les aider au besoin. Ils ne comptaient marcher qu'à petite journée. La distance de la baie Victoria au pôle était de 355 miles au plus, et à 12 miles par jour, il fallait un mois pour la franchir. D'ailleurs, lorsque la terre viendrait à manquer, la chaloupe permettrait d'achever le voyage sans fatigue, ni pour les chiens, ni pour les hommes. Ceux-ci se portaient bien. La santé générale était excellente. L'hiver, quoique rude, se terminait dans de suffisantes conditions de bien-être. Chacun, après avoir écouté les avis du docteur, échappa aux maladies inhérentes à ces durs climats. En somme, on avait un peu maigri, ce qui ne laissait pas d'enchanter le digne Klaoboni. Mais on s'était fait le corps et l'âme à cette âpre existence. Et maintenant, ces hommes acclimatés pouvaient affronter les plus brutales épreuves de la fatigue et du froid sans y succomber. Et puis enfin, ils allaient marcher au but du voyage, à ce pôle inaccessible, après quoi il ne serait plus question que du retour. La sympathie qui réunissait maintenant les 5 membres de l'expédition devait les aider à réussir dans leur audacieux voyage. Et pas un d'eux ne doutait du succès de l'entreprise. En prévision d'une expédition lointaine, le docteur avait engagé ses compagnons à s'y préparer longtemps d'avance et à s'entraîner avec le plus grand soin. « Mes amis, leur disait-il, je ne vous demande pas d'imiter les coureurs anglais qui diminuent de 18 livres après 2 jours d'entraînement et de 25 après 5 jours. Mais enfin, il faut faire quelque chose afin de se placer dans les meilleures conditions possibles pour accomplir un long voyage. » Or, le premier principe de l'entraînement est de supprimer la graisse chez le coureur comme chez le jockey, et cela au moyen de purgatifs, de transpiration et d'exercices violents. Ces gentlemen savent qu'ils perdront temps par médecine, et ils arrivent à des résultats d'une justesse incroyable. Aussi, tel qui avant l'entraînement ne pouvait courir l'espace d'un mile sans perdre haleine, en fait facilement 25 après. On a cité un certain Townsend qui faisait 100 miles en 12 heures sans s'arrêter. « Beau résultat, » répondit Johnson. « Et bien que nous ne soyons pas très gras, s'il faut encore maigrir, inutile, Johnson. Mais sans exagérer, on ne peut nier que l'entraînement n'ait de bons effets. Il donne aux os plus de résistance, plus d'élasticité aux muscles, de la finesse à l'ouïe et de la netteté à la vue. Ainsi, ne l'oublions pas. » Enfin, entraînés ou non, les voyageurs furent prêts le 23 juin. C'était un dimanche et ce jour fut consacré à un repos absolu. L'instant du départ approchait et les habitants du Fort Providence ne le voyaient pas arriver sans une certaine émotion. Cela leur faisait quelque peine au cœur de laisser cette hutte de neige qui avait si bien rempli son rôle de maison, cette baie Victoria, cette plage hospitalière où s'étaient passés les derniers mois de l'hivernage. Retrouverait-on ces constructions au retour ? Les rayons du soleil n'allaient-ils pas achever de fondre leurs fragiles murailles ? En somme, de bonnes heures s'y étaient écoulées. Le docteur, au repas du soir, rappela à ses compagnons ses émouvants souvenirs, et il n'oublia pas de remercier le ciel de sa visible protection. Enfin, l'heure du sommeil arriva, chacun se coucha tôt pour se lever de grand matin, ainsi s'écoula la dernière nuit passée au Fort Providence. Chapitre 19. Marche au nord. Le lendemain, dès l'aube, Atterras donna le signal du départ. Les chiens furent attelés au traîneau. Bien nourris, bien reposés, après un hiver passé dans des conditions très confortables, ils n'avaient aucune raison pour ne pas rendre de grands services pendant l'été. Ils ne se firent donc pas prier pour revêtir leur harnachement de voyage. Bonne bête, après tout, que ces chiens groenlandais. Leur sauvage nature s'était formée peu à peu. Ils perdaient de leur ressemblance avec le loup pour se rapprocher de Duke, ce modèle achevé de la race canine. En un mot, ils se civilisaient. Duke pouvait certainement demander une part dans leur éducation. Il leur avait donné des leçons de bonne compagnie et prêchait d'exemple. En sa qualité d'anglais, très pointilleux sur la question du cant, il fut longtemps à se familiariser avec des chiens qui ne lui avaient pas été présentés. Et dans le principe, il ne leur parlait pas. Mais, à force de partager les mêmes dangers, les mêmes privations, la même fortune, ces animaux de races différentes frayèrent peu à peu ensemble. Duke, qui avait bon cœur, fit les premiers pas, et toute la gente à quatre pattes devient bientôt une troupe d'amis. Le docteur caressait les Groenlandais, et Duke voyait sans jalousie ses caresses distribuées à ses congénères. Les hommes n'étaient pas en moins bon état que les animaux. Si ceux-ci devaient bien tirer, les autres se proposaient de bien marcher. On partit à 6 heures du matin par un beau temps. Après avoir suivi les contours de la baie et dépassé le cap Washington, la route fut donnée droit au nord par Hatteras. À 7 heures, les voyageurs perdaient dans le sud le cône du phare et le fort Providence. Le voyage s'annonçait bien, et mieux surtout que cette expédition entreprise en plein hiver à la recherche du charbon. Hatteras laissait alors derrière lui, à bord de son navire, la révolte et le désespoir, sans être certain du but vers lequel il se dirigeait. Il abandonnait un équipage à demi-mort de froid. Il partait avec des compagnons affaiblis par les misères d'un hiver arctique. Lui, l'homme du Nord, il revenait vers le Sud. Maintenant, au contraire, entouré d'amis vigoureux et bien portants, soutenu, encouragé, poussé, il marchait au pôle, à ce but de toute sa vie. Jamais homme n'avait été plus près d'acquérir cette gloire immense pour son pays et pour lui-même. Songeait-il à toutes ces choses si naturellement inspirées par la situation présente, le docteur aimait à le supposer et n'en pouvait guère douter à le voir si ardent. Le bon Klaoboni se réjouissait de ce qui devait réjouir son ami, et depuis la réconciliation des deux capitaines, de ses deux amis, il se trouvait le plus heureux des hommes, lui auquel ses idées de haine, d'envie, de compétition étaient étrangères, lui la meilleure des créatures. Qu'arriverait-il? Que résulterait-il de ce voyage? Il l'ignorait, mais enfin, il commençait bien. C'était beaucoup. La côte occidentale de la Nouvelle-Amérique se prolongeait dans l'ouest par une suite de baies, au-delà du cap Washington. Les voyageurs, pour éviter cette immense courbure, après avoir franchi les premières rampes de Belmont, se dirigèrent vers le nord en prenant par les plateaux supérieurs. C'était une notable économie de route. Hatteras voulait, à moins que des obstacles imprévus de détroits et de montagnes ne s'y opposassent, tirer une ligne droite de 350 miles depuis le fort Providence jusqu'au pôle. Le voyage se faisait aisément. Les plaines élevées offraient de vastes tapis blancs sur lesquels le traîneau, garni de ses châssis soufrés, glissait sans peine, et les hommes, chaussés de leurs snowshoes, trouvaient une marche sûre et rapide. Le thermomètre indiquait 37 degrés, plus 3 degrés centigrades. Le temps n'était pas absolument fixé, tantôt clair, tantôt embrumé. Mais ni le froid ni les tourbillons n'eussent arrêté des voyageurs si décidés à se porter en avant. La route se relevait facilement au compas. L'aiguille devenait moins paresseuse en s'éloignant du pôle magnétique. Elle n'hésitait plus. Il est vrai que le point magnétique dépassé, elle se retournait vers lui et marquait pour ainsi dire le sud à des gens qui marchaient au nord. Mais cette indication inverse ne donnait lieu à aucun calcul embarrassant. D'ailleurs, le docteur imagina un moyen de jalonnement bien simple qui évitait de recourir constamment à la boussole. Une fois la position établie, les voyageurs relevaient par les temps clairs un objet exactement placé au nord et situé 2 ou 3 miles en avant. Il marchait alors vers lui jusqu'à ce qu'il fût atteint. Puis, il choisissait un autre point de repère dans la même direction, et ainsi de suite. De cette façon, on s'écartait très peu du droit chemin. Pendant les 2 premiers jours du voyage, on marcha à raison de 20 miles par 12 heures. Le reste du temps était consacré au repas et au repos. La tente suffisait à préserver du froid pendant les instants du sommeil. La température tendait à s'élever. La neige fondait entièrement par endroits, suivant les caprices du sol, tandis que d'autres places conservaient leur blancheur immaculée. De grandes flaques d'eau se formaient çà et là, souvent de vrais étangs qu'un peu d'imagination eût fait prendre pour des lacs. Les voyageurs s'y enfonçaient parfois jusqu'à mi-jambe, ils en riaient d'ailleurs, Le docteur était heureux de ces bains inattendus. L'eau n'a pourtant pas la permission de nous mouiller dans ce pays, disait-il. Cet élément n'a droit ici qu'à l'état solide ou à l'état gazeux. Quant à l'état liquide, c'est un abus. Glace ou vapeur, très bien, mais eau, jamais. La chasse n'était pas oubliée pendant la marche, car elle devait procurer une alimentation fraîche. Aussi Altamonte et Belle, sans trop s'écarter, battaient les ravines voisines. Elles tiraient des ptarmigans, des guillemots, des oies, quelques lièvres gris. Ces animaux passaient peu à peu de la confiance à la crainte. Ils devenaient très fuyards et fort difficiles à approcher. Sans Duke, les chasseurs en eussent été souvent pour leur poudre. À Terrasse leur recommandait de ne pas s'éloigner de plus d'un mile, car ils n'avaient ni un jour ni une heure à perdre et ne pouvaient compter que sur 3 mois de beau temps. Il fallait d'ailleurs que chacun fût à son poste près du traîneau. Quand un endroit difficile, quelques gorges étroites, des plateaux inclinés, se présentaient à franchir. Chacun alors s'attelait ou s'accotait au véhicule, le tirant, le poussant ou le soutenant. Plus d'une fois, on dut le décharger entièrement, et cela ne suffisait pas à prévenir des chocs, et par conséquent des avaries que Belle réparait de son mieux. Le 3e jour, le mercredi 26 juin, les voyageurs rencontrèrent un lac de plusieurs acres d'étendue, et encore entièrement glacé par suite de son orientation à l'abri du soleil. La glace était même assez forte pour supporter le poids des voyageurs et du traîneau. Cette glace paraissait datée d'un hiver éloigné, car ce lac ne devait jamais dégeler par suite de sa position. C'était un miroir compact, sur lequel les étés arctiques n'avaient aucune prise. Ce qui semblait confirmer cette observation, c'est que ses bords étaient entourés d'une neige sèche, dont les couches inférieures appartenaient certainement aux années précédentes. À partir de ce moment, le pays s'abaissa sensiblement, d'où le docteur conclut qu'il ne pouvait avoir une grande étendue vers le nord. D'ailleurs, il était très vraisemblable que la Nouvelle-Amérique n'était qu'une île et ne se développait pas jusqu'au pôle. Le sol s'aplanissait peu à peu, à peine dans l'ouest, quelques collines nivelées par l'éloignement et baignées dans une brume bleuâtre. Jusque-là, l'expédition se faisait sans fatigue. Les voyageurs ne souffraient que de la réverbération des rayons solaires sur les neiges. Cette réflexion intense pouvait leur donner des snowblindness impossibles à éviter. En tout autre temps, ils eussent voyagé la nuit pour éviter cet inconvénient. Mais alors la nuit manquait, la neige tendait heureusement à se dissoudre et perdait beaucoup de son éclat lorsqu'elle était sur le point de se résoudre en eau. La température s'éleva le 28 juin à 45 degrés au-dessus de zéro, plus 7 degrés centigrades. Cette hausse du thermomètre fut accompagnée d'une pluie abondante, que les voyageurs reçurent stoïquement, avec plaisir même. Elle venait accélérer la décomposition des neiges. Il fallut reprendre les mocassins de peau de daim et changer le mode de glissage du traîneau. La marche fut retardée sans doute, mais en l'absence d'obstacles sérieux, on avançait toujours. Quelquefois, le docteur ramassait sur son chemin des pierres arrondies ou plates, à la façon des galets usés par le remous des vagues, et alors il se croyait près du bassin polaire. Cependant, la plaine se déroulait sans cesse à perte de vue. Elle n'offrait aucun vestige d'habitation, ni hutte, ni cairn, ni cache d'esquimaux. Les voyageurs étaient évidemment les premiers à fouler cette contrée nouvelle. Les Groenlandais, dont les tribus hantent les terres arctiques, ne poussaient jamais aussi loin. Et cependant, en ce pays, la chasse eût été fructueuse pour ces malheureux, toujours affamés. On voyait parfois des ours qui suivaient sous le vent la petite troupe, sans manifester l'intention de l'attaquer. Dans le lointain, des bœufs musqués et des rennes apparaissaient par bandes nombreuses. Le docteur aurait bien voulu s'emparer de ces derniers pour renforcer son attelage, mais ils étaient très fuyards et impossibles à prendre vivants. Le 29, Belle tua un renard, et Altamonte fut assez heureux pour abattre un bœuf musqué de moyenne taille, après avoir donné à ses compagnons une haute idée de son sang-froid et de son adresse. C'était vraiment un merveilleux chasseur, et le docteur, qui s'y connaissait, l'admirait fort. Le bœuf fut dépecé et fournit une nourriture fraîche et abondante. Ces hasards de bons et succulents repas étaient toujours bien reçus. Les moins gourmands ne pouvaient s'empêcher de jeter des regards de satisfaction sur les tranches de chair vive. Le docteur riait lui-même quand il se surprenait en extase devant ces opulents morceaux. ne faisons pas les petites bouches, disait-il. Le repas est une chose importante dans les expéditions polaires. Surtout, répondit Johnson, quand il dépend d'un coup de fusil plus ou moins adroit. Vous avez raison, mon vieux Johnson, répliquait le docteur. Et l'on songe moins à manger lorsqu'on sait le pot-au-feu en train de bouillir régulièrement sur les fourneaux de la cuisine. Le 30, le pays, contrairement aux prévisions, devint très accidenté, comme s'il eût été soulevé par une commotion volcanique. Les cônes, les pics aigus se multiplièrent à l'infini et atteignirent de grandes hauteurs. Une brise du sud-est se prit à souffler avec violence et dégénéra bientôt en véritable ouragan. Elle s'engouffrait à travers les rochers couronnés de neige et parmi des montagnes de glace qui, en pleine terre, affectaient cependant des formes d'hummocks et d'icebergs. Leur présence sur ces plateaux élevés demeura inexplicable, même au docteur, qui cependant expliquait tout. À la tempête succéda un temps chaud et humide. Ce fut un véritable dégel. De tous côtés retentissait le craquement des glaçons qui se mêlaient au bruit plus imposant des avalanches. Les voyageurs évitaient avec soin de longer la base des collines, et même de parler haut, car le bruit de la voix pouvait, en agitant l'air, déterminer des catastrophes. Ils étaient témoins de chutes fréquentes et terribles, qu'ils n'auraient pas eu le temps de prévoir. En effet, le caractère principal des avalanches polaires est une effrayante instantanéité. Elles diffèrent en cela de celles de la Suisse ou de la Norvège. Là, en effet, se forme une boule peu considérable d'abord qui, se grossissant des neiges et des rocs de sa route, tombe avec une rapidité croissante, dévaste les forêts, renverse les villages, mais enfin emploie un temps appréciable à se précipiter. Or, il n'en est pas ainsi dans les contrées frappées par le froid arctique. Le déplacement du bloc de glace y est inattendu, foudroyant. Sa chute n'est que l'instant de son départ, et qui le verrait osciller dans sa ligne de projection serait inévitablement écrasé par lui. Le boulet de canon n'est pas plus rapide, ni la foudre plus prompte. Se détacher, tomber, écraser, ne fait qu'un pour l'avalanche des terres boréales, et cela avec le roulement formidable du tonnerre et des répercussions étranges d'échos plus plaintifs que bruyants. Aussi, aux yeux des spectateurs stupéfaits, se produisait-il parfois de véritables changements à vue. Le pays se métamorphosait. La montagne devenait plaine sous l'attraction d'un brusque dégel. Lorsque l'eau du ciel, infiltrée dans les fissures des grands blocs, se solidifiait au froid d'une seule nuit, elle brisait alors tout obstacle par son irrésistible expansion, plus puissante encore en se faisant glace qu'en devenant vapeur, et le phénomène s'accomplissait avec une épouvantable instantanéité. Aucune catastrophe ne vint heureusement menacer le traîneau et ses conducteurs. Les précautions prises, tout danger fut évité. D'ailleurs, ce pays, hérissé de crêtes, de contreforts, de croupes, d'icebergs, n'avait pas une grande étendue. Et 3 jours après, le 3 juillet, les voyageurs se retrouvèrent dans les plaines plus faciles. Mais leur regard fut alors surpris par un nouveau phénomène, qui pendant longtemps excita les patients de recherche des savants des deux mondes. La petite troupe suivait une chaîne de collines hautes de 50 pieds au plus, qui paraissait se prolonger sur plusieurs miles de longueur. Or, son versant oriental était couvert de neige, mais d'une neige entièrement rouge. On conçoit la surprise de chacun et ses exclamations, et même le premier effet un peu terrifiant de ce long rideau cramoisi. Le docteur se hâta sinon de rassurer, au moins d'instruire ses compagnons. Il connaissait cette particularité des neiges rouges, et les travaux d'analyse chimique faits à leur sujet par Wollaston, de Candolle et Boer. Il raconta donc que cette neige se rencontre non seulement dans les contrées arctiques, mais en Suisse, au milieu des Alpes. De Saussure en recueillit une notable quantité sur le Brévin, en 1760. Et depuis, les capitaines Ross, Sabine et d'autres navigateurs en rapportèrent de leurs expéditions boréales. Altamont interrogea le docteur sur la nature de cette substance extraordinaire, et celui-ci lui apprit que cette coloration provenait uniquement de la présence de corpuscules organiques. Longtemps, les chimistes se demandèrent si ces corpuscules étaient d'une nature animale ou végétale. mais ils reconnurent enfin qu'ils appartenaient à la famille des champignons microscopiques du genre Uredo, que Bauer proposa d'appeler Uredo nivalis. Alors le docteur, fouillant cette neige de son bâton ferré, fit voir à ses compagnons que la couche écarlate mesurait 9 pieds de profondeur. Il leur donna à calculer ce qu'il pouvait y avoir sur un espace de plusieurs miles de ces champignons dont les savants comptèrent jusqu'à 43 000 dans 1 cm². Cette coloration, d'après la disposition du versant, devait remonter à un temps très reculé, car ces champignons ne se décomposent ni par l'évaporation ni par la fusion des neiges et leur couleur ne s'altère pas. Le phénomène, quoique expliqué, n'en était pas moins étrange. La couleur rouge est peu répandue par larges étendues dans la nature. La réverbération des rayons du soleil sur ce tapis de pourpre produisait des effets bizarres. Elle donnait aux objets environnants, aux rochers, aux hommes, aux animaux, une teinte enflammée, comme s'ils eussent été éclairés par un brasier intérieur. Et lorsque cette neige se fondait, il semblait que des ruisseaux de sang vinssent à couler jusque sous les pieds des voyageurs. Le docteur, qui n'avait pu examiner cette substance, lorsqu'il l'aperçut sur les Crimson Cliffs de la mer de Baffin, en prit ici à son aise et il en recueillit précieusement plusieurs bouteilles. Ce sol rouge, ce « champ de sang », comme il l'appela, ne fut dépassé qu'après 3 heures de marche et le pays reprit son aspect habituel.